Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les titres. L'Union européenne prévoit de relancer son aide dans les secteurs comme la bonne gouvernance, l'éducation et l'agriculture. Annonce faite par le ministre des Relations extérieures ce mardi au cours d'une réunion avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne au Burundi. Des habitants riverains du Risso, Nyenzali de la colline Gikungu en commune Nahangwa disent vivre la peur au ventre à cause d'un ravin créé par ce cours d'eau et ayant déjà emporté des maisons d'habitation. Et certains policiers perturbent l'ordre dans la distribution du carburant aux stations-service de Lumongue. Certains pêcheurs et administratifs les ont accusés de se présenter à la pompe avec des bidons moyennant pot de vin. Voilà pour le sommaire. À la présentation d'Auré Bingabilé, Akimana François assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. L'Union européenne prévoit de relancer son aide dans les secteurs comme la bonne gouvernance, l'éducation et l'agriculture. Le ministre des Relations extérieures l'a dit ce mardi au cours d'une conférence de presse tenue après une réunion avec les ambassadeurs de l'Union européenne au Burundi. Albert Shingiro indique que depuis 2020, les relations avec l'Union européenne sont au beau fixe et que des conventions sont en train d'être signées dans l'intérêt des deux parties. Suivez-le. Nous avons discuté comment nous allons continuer à collaborer dans différents secteurs. Ils ont promis de continuer à nous soutenir dans la mise en œuvre de notre vision mise en place, à savoir pays émergents en 2040 et développés en 2060. Ils ont promis de nous soutenir dans plusieurs projets en 2025 et en 2027, car ils sont en train d'en discuter à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Ils veulent nous épauler pour que nous puissions mettre en application nos projets de développement dans les secteurs comme la bonne gouvernance, l'éducation, l'agriculture et la santé, ainsi que dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons une discussion fructueuse, comme vous le savez. Nous avons eu un léger désaccord en 2015 jusqu'en 2020. Mais depuis cette date, la coopération a repris et on essaie d'assainir les relations. Nous nous sommes entendus que nous allons respecter les promesses en matière de bonne gouvernance, de droits de l'homme et tout ce qui a trait à l'économie. Je l'ai dit à ces ambassadeurs, c'est une chose qui peut se faire petit à petit. Notre pays est en train de fournir des efforts. Et de leur côté, ils ont accepté que si une fois nous mettons en œuvre ce que nous avons promis, ils vont continuer à nous épauler. Et l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi a aussi indiqué que l'Union européenne compte soutenir le Burundi dans la préparation des élections. Suivez-la. On tient beaucoup que les élections au Burundi soient libres, équitables et transparentes. On a écouté avec beaucoup d'attention les plaintes de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est un rôle très important que la Commission doit jouer dans le processus électoral d'ici à 2025 et probablement aussi plus loin que ça. De notre côté, on a signé récemment, au mois de février, une convention de financement pour un programme de soutien et accompagnement à la culture de démocratique et au renforcement des institutions et des acteurs qui seront impliqués dans les élections. C'est encore assez tôt pour donner des détails sur ce programme, donc vous m'excuserez, mais je ne vais pas dans les détails. Mais c'est juste pour vous rassurer que l'Union européenne est toujours à côté du Burundi, aussi dans ce moment des élections. Et donc, on verra dans les mois futurs comment ce programme va être démarré. En parlant de soutien dans la préparation des élections, le parti Sahwanya Frodebu suggère au gouvernement du Burundi de solliciter de l'aide financière aux partenaires étrangers pour mieux organiser les prochaines échéances électorales de 2025 et 2027, estimant que le financement de l'État déjà disponible est de loin inférieur aux prévisions. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, dit ne pas comprendre pourquoi il n'y aura pas usage des cartes d'identité biométriques comme prévu par le gouvernement du Burundi, comme l'avait déclaré son ministre de l'Intérieur. Il explique que l'usage de la carte d'identité ordinaire risque d'hypothéquer la transparence dans l'organisation de ces élections. On l'écoute. Au niveau de Frodebu, nous conseillons d'abord au gouvernement de faire tout qu'il faut pour contacter les partenaires traditionnels, partenaires, je dirais, internationaux, qui avaient toujours aider le Burundi dans le processus électoral pour que ces derniers puissent nous aider financièrement, même techniquement. Si on a vraiment un événement très important comme cela, nous devons approcher tout le monde, sans oublier les partenaires internationaux. Nous, au niveau du Frodimo, on avait souhaité à ce qu'on puisse avoir cette carte biométrique qui est une carte qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas utiliser plusieurs fois. On avait toujours souhaité à ce que cette carte puisse être utilisée dans le processus électoral. Et maintenant, on va utiliser l'ancienne carte. Nous, on a peur qu'on pourra voter plusieurs fois parce qu'il y a des personnes qui disposent plus d'une carte nationale d'identité. On l'a vu dans le passé. Ça peut perturber, ça peut poser des problèmes au niveau des élections. En plus de cela, au niveau du fichier électoral, il y aura des problèmes parce que la personne qui a deux cartes nationales d'identité va se faire inscrire doublement. Il y aura beaucoup de doublons, ce qui va causer des problèmes au niveau du fichier électoral. On demandera à la CENI d'abord d'impliquer tout le monde, les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, dans ce processus, surtout de l'élaboration du fichier électoral. Parce que même le président du Sénat a dit qu'on va se référer aux anciennes données. On n'a pas encore fait le recensement général de la population. Or, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont atteint l'âge de voter. Tout cela, je pense que ça va causer des problèmes. Mais si on a au moins le courage d'associer d'autres acteurs électoraux, peut-être on pourra aider. Ce vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodewu déplore le fait que la Commission électorale nationale indépendante ait déjà commencé à fonctionner sans base légale qui est le code électoral. Il demande que cette loi soit disponible pour garantir le travail de cette commission. C'est très malheureux parce que nous voyons que la CENI est en train de travailler sans cadre légal. Je dirais que toutes les décisions qu'elle est en train de prendre, ça n'a pas vraiment de base solide parce que la loi qui devrait l'aider à organiser ces élections n'a pas encore été signée. Nous demandons maintenant au gouvernement de faire tout pour disponibiliser cette loi. Sinon, la CENI pourra travailler illégalement et ça aura des impacts sur le processus électoral. Même on demanderait à la CENI de faire une pression aux autorités compétentes pour disponibiliser cette loi afin de faire le travail dans un cadre qui favorise l'organisation sans contrainte. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé de 8 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. En ligne, c'est www.isanganiro.org. Dans la suite de cette édition, des habitants riverains du ruisseau Nyenzali de la colline Gikungu en commune Nahangwa vivent la peur au ventre à cause d'un ravin créé par ce cours d'eau et qui a déjà emporté des maisons d'habitation. Ceux qui se sont entretenu avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi, sollicite l'intervention de l'État pour la protection des familles non encore touchées. Les victimes, quant à elles, lui demandent de leur donner des parcelles à bâtir d'autres maisons. Lydie Gahimbale nous dit plus. Ahingene byifashe namarira numubabaro urabye biriko biraba abantu barataye zabo. Arrivé sur les rives du ruisseau Nyenzali, c'est sur la colline Gikungu, commune Nahangwa, on observe des restes de briques utilisés pour la construction des maisons. Signe qui montre que sur cet endroit, on avait construit une maison. De l'autre côté, il s'observe des ravins et des roches suite au glissement de terrain. Avec le désespoir total, cette personne rencontrée sur le lieu indique que la situation de cet éboulement est choquante. Les habitants de cette localité souhaitent l'intervention de l'État pour la protection des familles non encore touchées par ce glissement de terrain. Les victimes de ce ravin demandent à l'État de leur donner d'autres parcelles pour y construire d'autres maisons. Selon toujours ces habitants, le gouvernement devrait y amener des experts internationaux pour faire des études approfondies afin de savoir les causes de ces glissements de terrain. Le constat est que l'éboulement continue toujours, ce qui provoque la peur chez la population environnante. Merci Lydie Gahimbale. Dirigeons-nous maintenant en province, plus précisément à Lumonge, où certains policiers perturbent l'ordre dans la distribution du carburant aux stations-service de Lumonge pour leurs propres intérêts. Dans une réunion avec le gouverneur de cette province l'après-midi de ce lundi, certains patrons pêcheurs et certains administratifs les ont accusés de se présenter à la pompe avec des bidons moyennant pot de vin et demandent que ce comportement soit éradiqué. Le commissaire provincial de la police de Lumonge exige d'en être informé à attend pour des mesures conséquentes. Jean-Pierre Misako. À part certains administratifs et certains pompistes pointés du doigt dans la fraude du carburant, s'il est disponible dans les stations-service de la province Rumonge, certains patrons pêcheurs pointent également du doigt certains policiers qui, au lieu d'assurer l'ordre, se transforme en demandeur de carburant moyennant des pots de vin des vrais bénéficiaires. Même l'administration se lamente que certains agents de police faillent à leur mission d'assurer l'ordre lors de la distribution du carburant et se transforment même en pompistes. Les usagers des véhicules de services publics sont également pointés du doigt qui s'approvisionnent facilement en carburant pour aller faire le transvasement en clandestinité et revenir après. Lors d'une réunion organisée par le gouverneur de Rumonge l'après-midi de ce lundi pour une transparence dans ce secteur, le commissaire provincial de police de Rumonge a exigé que de tels cas de policiers déviants lui soient rapportés pour prendre des mesures conséquentes. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, ordonne que tout demandeur de carburant se munisse d'une fiche d'approvisionnement et y ajoute immédiatement de l'huile de moteur pour les pêcheurs. Il exige aussi que l'ordre de mission soit exigé aux policiers ou militaires demandeurs de carburant en bidon. Lors de cette réunion, certains gérants de stations-service ont déclaré que certains services s'approvisionnent en carburant à crédit et remboursent partiellement ou ne remboursent même pas. Ici, le gouverneur de Rumonge demande à celui ou celle à qui la province doit de l'argent de s'y présenter pour être régularisé. Jean-Pierre Misako de Rumonge, Radio Isanganiro. Et à Bururi, en éducation, aucune école n'est érigée sur les collines Mokike, Gakaranga, Muge, Mugendondengo et Nyakigwano de la commune Mugamba, ce qui fatigue les enfants obligés de faire plus de 7 km pour arriver à l'école. Les autorités administratives et scolaires dans la province Bururi conseillent à l'administration à la base de ces collines de transmettre la question au conseil communal de Mugamba pour que les démarches de création de ces écoles suivent. Mais entre-temps, la population de ces collines est appelée à collecter tout au moins les matériaux locaux pour construction. Zeno Nzambimana. Il n'y a aucune école sur les collines Mukiki et Gakaranga en zone Kivumu de la commune Mugamba, province de Bururi. Certains enfants effectuent une longue distance entre 5 et 7 km pour arriver à l'école, dont certains qui étudient même aux différentes écoles de la zone Nyagasasa dans la même commune et d'autres dans la commune de Mukiki en province de Bujumbura, selon le chef de cette zone. Daniel Yamuremye fait savoir que ses élèves s'absentent quelquefois en cas de forte pluie, suite aux eaux des rivières qui débordent les rives. Daniel Yamuremye demande un appui financier à la commune et aux autres bienfaiteurs pour la construction de ces écoles sur cette colline, surtout une aide en tôle et en ciment, car les matériaux locaux comme le moellon et les briques sont déjà disponibles selon les mêmes sources. Le même problème est signalé également sur les collines Mugendondengo et Nyakigano de la zone Nyagasasa dans la même commune. Ces collines ne disposent même pas de terre domaniale où peuvent être implantées ces écoles, selon le chef de cette zone. Antoine Sabiyumba, directeur provincial de l'éducation à Bururi, de même que différentes autorités provinciales et communales de Mugamba conseillent les administratifs à la base sur ces collines de transmettre d'abord cette question relative au manque d'écoles au conseil communal de Mugamba et les démarches pour la création de ces écoles vont suivre. Ces autorités administratives et éducatives appellent la population de ces collines à contribuer pour la construction de ces écoles au cas où la demande de leur création serait acceptée. Depuis Kivumu en commune de Mugamba, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Restant toujours à Bururi, en bref, un corps d'un commerçant du centre Kigama en commune Songa de cette province a été découvert le soir de ce lundi vers minuit dans une fosse de 3,5 mètres non loin de son bistrot. Les informations fournies par deux filles qui dormaient dans cette maison disent qu'il est sorti aux environs de 22 heures et ont attendu son retour mais en vain. C'est ainsi qu'elles ont alerté leurs voisins pour le chercher. Ces derniers disent qu'ils l'ont appelé sur téléphone qui a finalement sonné dans cette fosse. Les mêmes sources expliquent décédé que son corps. Légèrement blessé au niveau du visage, était renversé. Ils ajoutent qu'il y avait deux bidons remplis, un de 20 litres d'essence et un autre de plus de 25 litres. L'administration communale affirme ces informations. C'est au moment où certaines informations disent que ce commerçant aurait été tué et jeté dans cette fosse, d'autres disent qu'il serait tombé quand il tentait de cacher ses bidons. Au niveau de la police et de l'administration communale de Songa, on fait savoir que la vérité sera connue après les enquêtes du parquet de Bouloudi déjà en cours. Radio Isanganiro, chronique santé. Un médicament peut changer de forme ou de couleur d'origine suite à sa mauvaise conservation. Explication de Dédith Mbonyingingo, directeur général de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et aliments, ABRIMA. ABRIMA en sigle, ce spécialiste conseille aux gens de toujours vérifier la date de péremption se trouvant sur la bouteille et sur le carton. Chronique santé avec Ornella Mocho. Chaque médicament a des normes spécifiques concernant son apparence, ses caractéristiques et sa durée de conservation. Le directeur général de l'autorité de régulation des médicaments et des aliments, ABRIMA en sigle, indique qu'il y a des signes montrant que le médicament est périmé ou n'est plus efficace. Au niveau de l'expiration, la première conduite, une fois qu'on prend un médicament, c'est bien évidemment de pouvoir vérifier, premièrement, la péremption de ce produit, donc les dates de péremption. Mais également, il faut vérifier les caractères organoleptiques, parce que souvent, un médicament peut changer de couleur, voire même de forme. Et si on constate bien évidemment qu'il y a changement de couleur ou de craquage pour les comprimés, surtout aussi changement de couleur pour les formes solides, bien évidemment, là, il faut se douter qu'il y a altération du produit. Et bien évidemment, ne pas utiliser le produit. La cause de l'inefficacité du médicament et la conservation de ce médicament dans des conditions inappropriées. Cela surtout peut se révéler quand il y a surtout une mauvaise conservation ou bien évidemment une qualité inférieure par rapport à ce produit. Et donc là, il s'en ressort que la stabilité du produit ne peut plus être garantie. En cas de la maladie ou des changements dans vos médicaments, il conseille les gens de consulter le professionnel de la santé pour obtenir des conseils spécifiques. À chaque fois qu'on sent qu'il y a un problème de santé qui s'oppose, il faut toujours avoir cet réflexe et de bien s'adresser aux professionnels qui sont qualifiés pour une prise en charge adaptée, afin de pouvoir bien évidemment surtout éviter l'utilisation à tout et à travers des produits de santé qu'on a à notre disposition au niveau de nos ménages. Et surtout avoir ce réflexe et de pouvoir aller au niveau bien évidemment de l'étiquetage, mais aussi au niveau des notices, les conditions de conservation des médicaments qu'on a à notre disposition. Le directeur général de l'ABRIMA avait expliqué que chaque médicament a sa durée de conservation. Il avait donné l'exemple des médicaments utilisés pour le traitement de l'œil, qui, une fois utilisés, ne doivent pas être réutilisés, à part la durée prescrite par le médecin. Ornella Mucho. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle à la présentation d'Auré Bingabilé. Akimana François assurait la mise en onde. Restez branchés sur nos ondes.